veux pas qu'une fréquente. J'suis dans les fêtes d'hiver, chacal, j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente. Bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Tes parents veulent pas qu'une fréquente. J'suis dans les fêtes d'hiver, chacal, j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente. Bientôt j'achète la dernière Lamborghini. On est donc à bosser dans le Benz. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. T'es qu'un, pas toi tu fais pas un rond. On est mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. On a bossé dans le bank, c'est la voisine du 3 veut déménager. Les Yankees sont bons qu'à revenir comme mon ex. On a la patate pour les régaler. Et s'il y a pépin le peuple on va peinard. Et tout juste après la GH. Dis-moi, ça coûte combien qu'on le TH. Ton équipe est bonne qu'à Théma. Nous on est gangsta depuis les Atemi. Même si je les ai remplacés par des Margiela. Ressaisis-toi en période de saisie, faut pas être paresseux, la peuf c'est par ici. Que de la haine que j'aperçois, perso si tu m'attaques, poteau sois précis. J'arrive chez toi vers 9h30, à 10h pile j'ai plus d'ennemis. Elle veut que je la baisse comme un animal, on fume de la moula qui vient d'Espagne. Tu nous fréquentes, j'suis dans les fêtes d'hiver, chacal j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Tes parents veulent pas que tu nous fréquentes, j'suis dans les fêtes d'hiver, chacal j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini. On est bon qu'à bosser dans le Benz. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. T'es qu'un, quand toi tu fais pas un rond. On est mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. T'es qu'un, quand toi tu fais pas un rond. Espèce de trou du cul, pas de trou dans les comptes. Tes parents veulent pas que tu nous fréquentes. J'arrive ganté, ce soir c'est gâté. Pour tout saccager, pas de ceux qui jactent. Je raconte une méga liasse devant mon ex. Ce soir on flex, j'ai passé toute ma journée dans le Benz. Je tenais le sac et je contenais ma haine. Le coup d'envoi démarre à midi pile. Je te vois en chelou, check pas de l'épaule. Check pas de l'épaule, t'es qu'une pookie. Je t'avais dit de fermer la boca, mais toi t'as tout dit. Plata, plata, plata, plata. Si t'es pas d'accord, c'est plomo. Attends, attends, attends, attends. Méchant N-I-L-E-T-O. Nos broliques font la météo. On veut pas que tu nous fréquentes. J'suis dans les faits divers, chacal, j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente. Bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Tes parents veulent pas que tu nous fréquentes. J'suis dans les faits divers, chacal, j'suis aigri. J'suis dans la bicrave, la vente. Bientôt j'achète la dernière Lamborghini. On est bon qu'à bosser dans le Benz. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand tu fais pas un rond, mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand toi tu fais pas un rond. Oh yeah, oh oh. T'es qu'un, quand toi tu fais pas un rond. J'ai le, c'est le chauffeur dans la Benz. T'es qu'un, quand toi tu fais pas un rond.